sans tout ça, j'aurais voulu nous finir par grandir. Un avenir car ouvert devant nous, malgré tout ça, nous désarmer. Passe les anciens qu'à disparaître, pour laisser nous. Ça qui plierait encore, c'est ballon la yotini là, pour dire nous que présent sans nous, qu'a gêné yo, qu'a gêné yo. Et ben bon Dieu, si ou te peux écouter, prière en moi. J'aurais